Le nouveau magasin Canadian Tire du secteur de Dolbeau vous invite à venir voir le plus grand choix de pneus d'hiver avec toutes les marques à des prix imbattables. De plus, nous vous invitons à voir nos spéciaux dans la circulaire Publisac distribuée tous les mardis. Canadian Tire, 1751 boulevard Vézina, Dolbeau-Mistassini, 418-276-2385. Le propriétaire du magasin Canadian Tire, Monsieur Ken Bennett, vous invite à acheter localement pour préserver nos emplois chez nous. C'est la chronique du samedi matin de la NFL avec notre ami Marc Diquet de Radio Week. Salut Marc. Salut, ça va bien? Oui, ça va bien. Marc, hier, j'ai parlé avec Stéphane Cadorette où on a fait le bilan de la mi-saison dans la NFL. Et on va le faire avec toi. C'est quoi tes surprises, tes déceptions, toi? Écoute, dans mes surprises, il y en a beaucoup. Il y a des équipes comme les Saints. Je m'attendais pas à 5-2 de voir les Saints. Les Rams, je m'attendais pas à ça non plus. Les Eagles, 7-1. J'aurais pensé ça non plus. Il y a beaucoup d'équipes à lesquelles on pensait que ça allait vraiment performer, puis que c'est pas le cas. Puis il y en a d'autres, comme on vient d'en parler, là. Ces équipes-là sont des surprises pour moi à ce niveau-là. Là. OK. Ben, les Eagles, hein. Les Eagles, c'est vraiment une surprise. Carson Wentz, qui joue vraiment, qui est en feu, qui joue pour c'est que les Eagles sont payés cher pour aller chercher l'année passée. Donc, lui fait vraiment très, très bien. Également, c'est la grosse surprise dans la NFL. Les déceptions maintenant? Ben, les déceptions, il y en a beaucoup également. Malgré leur fiche gagnante, je pense que les Panthers de Caroline, la tenue récente, moi, ça me déçoit un peu. Les Raiders, c'est ma déception, honnêtement. Depuis le début de l'année, 3-5, oui, ils ont eu des blessures, là, mais c'est pas une raison. Non. C'est vraiment décevant ce qui se passe avec les Raiders d'Oakland depuis le début de l'année en termes d'équipe. Puis je te dirais que d'un gros déception, c'est vraiment ces deux-là qui me déçoivent. On aurait peut-être pu penser aux Patriots avec les débuts de saison un peu étranges qu'ils ont eu. Mais non, là, on peut pas les mettre là-dedans. Ça serait vraiment. Ils pas se replacent les Pats. Ça se replace tranquillement. Puis, mais honnêtement, les Raiders, moi, c'est au niveau équipe, là, c'est ma déception cette année, là, à date. Là. OK. Moi, j'en ai trois. J'ai les Raiders. J'ai les Buccaneers de Tampa Bay aussi. Moi, j'ai les Buccaneers et j'avais. Pas pour aller au Super Bowl, mais je pensais qu'elle allait faire un bon bout de chemin. C'est une jeune équipe. Et également les Giants de New York. Les Giants de New York, plusieurs experts les voyaient même au Super Bowl. Moi, j'ai hésité longtemps avant d'en choisir entre les Giants et les Seahawks. Finalement, j'ai choisi les Seahawks. Donc, ça, c'est ma grosse déception. Mais les Raiders, Oakland, quelle déception. Hein? C'est Amari Cooper qui avait connu un bon match seulement. Et c'est ça qui fait la différence. Donc, c'est pas mal les déceptions. Marc, on va y aller maintenant avec Deshaun Watson. Quelle mauvaise nouvelle pour la NFL. Deshaun Watson, que c'était rafraîchissant. C'était un jeune carrière qu'on voyait que les Texans c'était en pleine explosion. C'est vraiment un coup de poing qui est arrivé aux Texans de Houston et à la NFL aussi. Ah, écoute, on peut parler de coup de poing, de claque d'en face, deux jeux froids ou les trois en même temps. Ouais. Pour être sûr, des achever bien comme il faut. Parce qu'on oublie que les Texans ont quand même perdu J.J. Watt pour la saison. Là. Ouais. Et Bill O'Brien, sauf erreur, depuis qu'il est là, d'abord, il a été combien de temps pas de carrière vraiment numéro un. Ouais. Il y a eu des problèmes de blessures aussi. Et Deshaun Watson, ce qui est plate, c'est que moi, je me méfie toujours d'un gars qui se blesse recrue. Est-ce que, en plus, tu sais, ce qui est choquant là-dedans, là, pour ne pas dire un mot vulgaire, c'est que c'est arrivé pendant une pratique, Simonac. Mm. C'est arrivé pendant une pratique, même pas en situation de match. Est-ce que Deshaun Watson est fragile? Ce sera une question à laquelle on aura une réponse d'ici les deux prochaines saisons. Mais, tu sais, Houston, on les voyait quand même pas si pire, mais là, avec Watson, tu l'as dit, c'est un vent de fraîcheur, c'est un gars qui est excitant à voir jouer. Tu sais, des gars comme Deshaun Watson, là, c'est des vendeurs de football. Ouais, c'est des gars qui vont te faire apprécier la game. Même quelqu'un qui est pas fan de football va regarder ce gars-là jouer, c'est mon Dieu, donc bien excitant. Et, tu sais, il prenait de l'expérience à un rythme incroyable. Et là, ça va le freiner. Et dis-toi une chose, là. Quand la fameuse blessure, là, le ligament antérieur croisé, ou en termes de football, le torn ACL, là, quand t'as ça, là, la saison suivante, là, c'est bien rare. C'est bien, bien, bien rare que tu sois à 100%. Ça prend au moins une autre saison pour t'en remettre normalement, là, de ce que j'ai vu, là. Okay. Donc, j'ai hâte de voir la suite des choses dans le cas de Deshaun Watson. La bonne nouvelle, si bonne nouvelle il y a, c'est qu'il est jeune. Et c'est plus facile de récupérer jeune une blessure comme ça qu'à 32, 33 ans. Mais, Par contre, ce genre de carrière-là, Marc, rappelle-toi de RG3. Ben, c'est ça. Carrière qui sort souvent de sa poche à protectrice, qui court avec le ballon. Si tu veux rester longtemps dans la NFL, tu te dois d'arrêter de courir. Tu es beaucoup plus sujet à frapper que si tu restes dans la poche protectrice. Ben oui. Un peu comme Cam Newton. Moi, je me rappelle de Cam Newton avec Auburn. C'était un carrière qui était capable de courir avec la balle. C'était un peu dans ce style-là. Puis il est encore capable, mais il est, mettons, plus réservé que Carditree à l'époque. Carditree, sa carrière est pas mal finie, hein? Ben, c'est sûr, c'est fini, mais tu sais, le problème de Robert Griffin III, c'est qu'il se blessait pendant les matchs. Ouais. Là, c'est une blessure pendant une pratique. On peut pas blâmer le gars non plus. Non, non. Puis, oui, il bouge, mais il y en a quand même qui savent jouer de façon intelligente. Et, tu sais, je pense que dans les matchs que j'ai vus versus ce que je me souviens d'avoir vu de RG3, je pense que Watson est beaucoup plus responsable que lui l'était. Puis, tu sais, RG3, souviens-toi, à sa première saison, on disait, ah non, ce gars-là va se faire blesser, ce gars-là peut pas, il court trop. Tu sais, gars, Michael Vick, malgré ce qui est arrivé, bon, on sait les affaires de combat de chiens, de prison, mais il a quand même eu une carrière, tu sais, assez longue quand même. Une carrière très respectable. Ben, c'est ça. Moi, je pense que Watson aurait pu peut-être être meilleur que ça, même à l'époque. Mais Watson est un meilleur passeur. Michael Vick, c'était pas un grand passeur. Non, ben, c'est ça. Je pense que Watson, là-dessus, là, moi. Oui, le meilleur passeur. Ben, c'est ça. Je veux pas être savant avec Michael Vick, là. Mais je pense que Watson montre un potentiel plus intéressant que Michael Vick. OK. Marc, grosse nouvelle également dans la NFL cette semaine. Jimmy Garoppolo. Ça, c'est un carrière qui a été échangé aux 49ers San Francisco. Les 49ers, écoute, ils ont eu Colin Kaepernick. Mais c'est une histoire. C'est une équipe qui est riche en histoire. Hein. Moi, quand j'étais jeune, c'était Joe Montana, c'était Steve Young, c'était Jerry Rice, John Taylor, et ainsi de suite. Là, les voir à 0-8, c'est avec les Browns de Cleveland, me semble que ça marche pas. Et là, on est allé chercher Garoppolo. Est-ce que c'est le début d'un temps nouveau à San Francisco? Je ne sais pas. On verra. Parce que, tu sais, c'est bien beau être un bon carrière numéro 2, là. Mais là, Garoppolo va vivre avec une certaine pression. Puis moi, j'ai été surpris de cet échange-là. Parce que Tom Brady, serais-tu surpris qu'il prenne sa retraite si les Patriots gagnent le Super Bowl, toi? Ben là, c'est clair qu'ils ont eu des. Non, lui, il voulait jouer jusqu'à. Il m'a dit qu'il voulait jouer jusqu'à. Bon, il ne m'a pas dit, mais j'avais lu qu'il pouvait jouer au moins jusqu'à 45 ans. Ouais, mais tu sais, une blessure, ouais, des fois, ça arrive peut, vite. Surtout à cet âge-là. Surtout à 40. C'est ça. T'sais, moi, j'ai été surpris. Je pensais vraiment qu'il était peut-être un peu dans les plans d'avenir, mais d'un autre côté, un carrière, ça se repêche. Quoique pas toujours avec succès. Mais je pense que c'est un bon choix qu'ils ont fait parce qu'on s'entend que dans les meilleures carrières réservistes, Garoppolo figurait dans le top 3 facile. Ouais. Ça dépend des goûts, là. Mais moi, je pense que c'est une bonne idée. Mais tu sais, tu parlais du passé glorieux des 49ers. On va se le dire, là. Depuis les grosses années Montana, puis on est descendu du bois souvent à tabarouette. Il y a eu Steve Young. Ben, il y a eu Colin Kaepernick l'année qu'ils sont allés au Super Bowl contre Baltimore. C'est tout. Ouais, c'est tout. Depuis ce temps-là, c'est assez tranquille aussi. Mais je pense qu'on n'avait pas le choix de faire un move là-dessus. Mais moi, Danny, ce qui m'a assommé, c'est... Mais Danny, quelle catastrophe des Browns de Cleveland sérieux en fin de semaine, cette semaine plutôt dans les transactions. L'échange avorté avec Cincinnati pour aller chercher le carrière numéro 2, AJ McCarron, ça, c'est épouvantable. Tu sais, les Browns, on le sait, on est dans la médiocrité depuis de nombreuses années, on réussit à aller chercher un carrière numéro 2 qui pourrait peut-être avoir un certain potentiel, et on n'envoie pas les papiers à temps à la NFL pour la deadline, autrement dit, l'heure limite, on envoie le papier plus tard. Là, ça fait une situation que ton carrière numéro 1, DeShone Kizer, là, lui, il sait là, que tu es allé chercher un autre, il n'est pas très vieux. Là. Puis, du côté de Jim McCarron, bon, il sait que Cincinnati ne le veut plus, mais ça fait une drôle. Tu sais, Cincinnati obtenait un choix de 2 puis de 3, hey, c'est une bonne transaction. Ouais, là. C'est une maudite bonne transaction. Là, il se retrouve devant rien. Imagine, regarde, j'ai un scénario pour toi. Là. Oui, imagine que Dalton se blesse à Cincinnati. Oui. Puis que McCarron arrive et que McCarron et les Bengals ont une poussée de victoire incroyable. Qu'est-ce que tu fais? Ben, c'est très spécial. Là. Mais ça fait quand même longtemps qu'on dit que McCarron a un potentiel. Je l'ai vu jouer, lui, avec Alabama dans l'NCAA. C'est un bon carrière. C'est un bon. J'ai hâte de le voir. Mais tu parles de Garoppolo et Garoppolo avec San Francisco. J'ai hâte de voir aussi ce qui va se passer. Parce que là, tu as le livre de jeu. Hein. Tu parais bien quand tu es dans le giron des Pats. Là, tu vas arriver avec un nouveau livre de jeu avec les 49ers. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Mais, il y a le bon coach. Il y a le bon coach, par contre. Il y a le bon coach pour l'aider. Côté offensif, il y a un bon gars avec. Là. Moi, je pense que ça pourrait être un Dan bon fit. Dan Quinn, qui est l'ancien des Falcons d'Atlanta. Marc, on va y aller avec les matchs de la semaine. Moi, je vais t'en aller avec toi. Je suis en mode électoral cette semaine. C'est complètement différent. Là. Donc, je vais enregistrer le match, les matchs, mais il n'y a pas grand-chose d'intéressant. Ben écoute, je pense qu'on va être d'accord que c'est Kansas City Dallas le match de la semaine. Là. Avec Ezekiel Elliott qui sera là encore une fois. Oui, absolument. Quelle farce, hein? Écoute, moi j'en parle à mes buteurs de sport le matin, là. Puis je sais plus quoi dire. Là. C'est rendu ridicule. Là. Ça nous prend un avocat avec nous autres pour nous expliquer comment ça. Ça n'a aucun Christy de bon sens. Comment. Tu sais, ça prouve une chose, avec l'argent, tu peux régler bien des affaires en cours. Là. Mais c'est une catastrophe. Ça devrait être un bon match, par exemple. Si on parle du match en tant que tel, là, parce que les Chiefs, honnêtement, s'ils veulent vraiment être des aspirants au Super Bowl, là, c'est le genre de match qu'il faut que tu ailles chercher. Pas le choix. Pas le choix de gagner ce match-là. Non, c'est sûr. C'est un match important. Puis pour les Cowboys, ben, si on veut continuer encore une fois la lutte, je pense que Philadelphie s'est rendu pas mal. Philadelphie s'est pas mal rendu. Numéro 1. Donc, si on veut rester dans la course pour le meilleur deuxième, on doit gagner ce match-là. Quoi qu'on a gagné un gros match la semaine passée à Washington. Une grosse victoire. Ça va prendre une continuité là-dedans, certainement, pour en fin de semaine pour les Chiefs. Marc, un gros merci. On s'en parle. Ben, peut-être pas vendredi prochain. Je vais t'en donner une nouvelle parce que ça peut arriver que je quitte pour Québec le vendredi prochain, mais je t'en donnerai une nouvelle la semaine prochaine. Ben écoute, merci Danny. Merde pour demain. Ah, on va essayer ça. On est hâte de voir qu'est-ce que ça va faire demain. Donc, Marc Diquet de Radio X5.